إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب donc on va commencer tout de suite aujourd'hui c'est le cours numéro 35 dans l'explication du kitab al-tawhid al-munakhas fi kitab al-tawhid et on est toujours dans le chapitre au sujet de anwa al-sihr les différentes sortes de sorcellerie les différentes sortes de magie. Donc, comme on disait, on est toujours dans le chapitre au sujet des différentes sortes de magie, de sorcellerie. C'est le chapitre numéro 25. Donc, on va continuer, Inch'Allah, dans l'explication. Le Cheikh, on est maintenant arrivé au hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, « وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ ألا هل أنبئكم ما العضه وهي هي النميمة هي النميمة القالة بين الناس ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. Donc c'est un hadith rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe de ce qu'est Al-Adhu? Et les sahabes ont dit, en fait non, dans ce hadith ici, il n'y a pas la question, mais c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a directement répondu lui-même. Il a dit, c'est un namima, une parole qui est transmise parmi les gens. Et c'est comme Al-Adhu, c'est comme un namima en fait. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Et un namima c'est quoi? C'est le fait de répandre des rumeurs de façon secrète parmi les gens, de répandre des rumeurs, que ce soit vrai ou faux, que ce soit des vraies rumeurs ou des fausses rumeurs. Donc le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit ala adatu tanbih unabbiukum ukhbirukum al-adhu bi fath al-ain wa sukun ad-dad wa مصدر عضها يعضه عضها بمعنى كذب وسحر ونمى والمراد به هنا السحر. Et نعم. Donc le cheikh explique que dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ala, ça c'est un mot ou une expression qu'on utilise pour attirer l'attention de quelqu'un. Ala hal unabbi'ukum, unabbi'ukum ça veut dire voulez-vous que je vous informe. Et al-adhu, c'est avec le fatha sur le ayn et le sukun sur le dad. Donc al-adhu, c'est le masdar du verbe adaha ya'adahu adahan. Et ça signifie de mentir, de faire de la magie ou de la sorcellerie, et également de faire du namima, c'est-à-dire de répandre des rumeurs. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par le contexte? C'est as-sihr, c'est la sorcellerie ou la magie. Pourquoi? Parce que la magie, lorsqu'on répand une parole ou des rumeurs parmi les gens dans le but de faire de la corruption ou dans le but de faire du tort aux gens, eh bien, ce genre de namima, ça agit un peu comme de la magie ou de la sorcellerie. Et on va expliquer pourquoi bientôt, inshallah. Donc, le cheikh il dit, al-namima naqlu al-hadith ala wajh al-ifsad. Donc, al-namima, la médisance, c'est, ce serait plutôt al-namima. C'est-à-dire que pour dire parler dans le dos, ce serait plutôt al-riba. La médisance, ça ressemble beaucoup plus à qu'est-ce qu'on appelle al-namima que al-riba. Al-riba aussi, c'est une sorte de médisance, mais c'est une médisance spécifique. Quand tu parles dans le dos, tu dis quelque chose dans le dos d'une personne. Tandis que la namima, c'est plus de répandre des rumeurs, hein, répandre des rumeurs. Donc ça a un sens qui est proche. Al-riba wa namima, souvent on les mentionne ensemble, mais al-riba c'est plus spécifique que namima. Namima, c'est vraiment de répandre des rumeurs dans le but de faire du désordre, de faire du tort. Et le cheikh il explique ensuite al-qalla, donc al-qallatu bayna an-nas, an-namimatu al-qallatu bayna an-nas, al-qalla kathratu al-qawl wa iqa'u al-khusumati bayna an-nas bima yuhka lil-ba'd 'an al-ba'd. Donc al-qalla, c'est exactement ça, Allah musta'an, c'est de faire des disputes entre les gens en disant beaucoup de paroles pour faire que des gens entrent en conflit les uns les autres. C'est ça. C'est de répandre des paroles et de dire des paroles à certains et pas à d'autres, dans le but de répandre des disputes entre les gens. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-namima al-qallatu bayna an-nas. Le cheikh il explique le sens général du hadith. إذا المعنى الإجمالي للحديث أراد صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من السعاية بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض على وجه الإفساد، فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه، وسألهم ما العضه، أي ما السحر، ثم أجاب عن السؤال بأن العضه هو نقل الحديث، هو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بينهم، لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر من الفساد وتفريق القلوب. Donc le cheikh explique que la signification générale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu mettre sa umma en garde contre le fait de répandre des paroles et propager des paroles entre les gens, ou de le dire à certaines personnes au sujet de d'autres, de dire certaines choses à propos de certaines personnes, de diffuser ces paroles-là à certaines personnes parmi les gens, dans le but de créer du désordre et dans le but de créer de la division ou de la corruption. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté ce hadith-là par une question, par une phrase interrogative, dans le but de prendre l'attention, et parce que c'est quelque chose que lorsque tu l'apprends, ça reste plus facilement dans ton cœur ou dans ton esprit. Tandis que si tu fais juste dire à quelqu'un une information sans que ce soit sous la forme interrogative, eh bien c'est sûr que ça peut être aussi bénéfique, mais sous la forme interrogative, ça attire plus ton attention, puis ça reste plus dans ton esprit par la suite, c'est plus fort dans la façon de faire comprendre à quelqu'un. Parce que lorsque tu poses la question, la personne est obligée de réfléchir, est obligée de se poser la question à elle-même pour essayer de savoir si elle connaît la réponse. Et donc juste le fait de faire ça, eh bien ça fait travailler l'esprit de la personne, et donc ça la force à se souvenir par la suite. Et donc c'est pour cette raison-là que la méthode interrogative, c'est une méthode très bénéfique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc leur a demandé qu'est-ce que al-adhu al-adh, et ça signifie donc al-sihr, C'est-à-dire, c'est comme s'il leur disait, qu'est-ce que la sorcellerie? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond à cette question lui-même en disant que al-adh, c'est le fait de propager des paroles entre les gens dans le but de créer de la corruption ou du désordre entre eux. Et de répandre beaucoup de paroles de cette façon dans le but de faire des disputes entre les gens. Parce que le fait de faire ça, ça a le même impact ou le même effet que ce que la sorcellerie a comme effet sur le fait de diviser les cœurs et de créer de la corruption et du désordre. Hein? Dans le sens que tu vois pas nécessairement rien, tu vois pas nécessairement ce qui se passe. Hein? Supposons que quelqu'un, par exemple, répand à ton sujet des rumeurs. Peu importe que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Hein? Les gens, ils répandent à ton sujet des rumeurs. Eh bien, tu vois l'effet de ces rumeurs-là, tu vois les répercussions et les effets de cette rumeur, et tu vois cette réaction-là et ces effets-là se produire devant toi, mais tu comprends pas d'où ça vient et tu comprends pas comment ça se fait. Hein? C'est comme un peu inexplicable, puisque tu vois que des gens commencent à te regarder bizarrement, ou bien des gens commencent à s'écarter, ou des choses de ce genre. Alors, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Et toi, tu sais pas que c'est à cause de certains individus qui sont en train de faire un namima, sont en train de faire, répandre des fausses rumeurs à ton sujet, et commencer à dire des choses à ton sujet, et toi, ils te le disent pas, personne te dit rien. Alors toi, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça que la sorcellerie ou que la magie fonctionne aussi, dans le sens que la sorcellerie, elle agit d'une manière subtile et secrète, hein, invisible. Tu la vois pas. Et puis elle a son effet sur les gens et personne comprend qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Donc c'est un peu comme de la sorcellerie, c'est-à-dire an-namima, ça a un peu le même effet que la sorcellerie, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a nommé comme ça, il l'a appelé al-adhu. Et le cheikh il dit wa munasabatu al-hadith lil bab anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bayyana fihi anna an-namimata naw'un min anwa' as-sihr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que an-namima, c'est une sorte parmi les sortes de magie ou de sorcellerie. Et le cheikh, il explique les points bénéfiques à tirer de ce hadith. Il explique, il dit que an-namima, premièrement, il dit ma istafad min al-hadith awwalan anna an-namima naw'un min anwa' as-sihr li'annaha taf'alu ma yaf'aluhu as-sihr min at-tafriq bayn al-qulub wa al-ifsad bayn an-nas wa la أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره. Donc le cheikh il explique, il dit premièrement, namima, c'est, on peut comprendre que c'est une sorte parmi les différentes sortes de sorcellerie ou de magie. C'est dans le sens que la personne qui fait un namima, c'est comme si elle a le même effet. C'est comme si qu'est-ce qu'elle fait, ça a le même effet que la sorcellerie. Dans le sens que ça divise les cœurs et que ça corrompt entre les gens. Puisqu'il y a des sorciers qui font ça des fois. Quand ils veulent séparer entre un homme et sa femme, ou entre deux personnes, des choses de ce genre, ils utilisent la sorcellerie et an-namima, ça peut avoir le même effet. Ça peut avoir le même effet. Donc, le cheikh, il dit donc que la personne qui fait un namima, c'est comme si elle faisait quelque chose qui est semblable à qu'est-ce que fait le sorcier, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là va prendre le même verdict ou mériter la même punition que le sorcier, dans le sens qu'elle va pas devenir kafir pour avoir fait la médisance ou bien pour avoir fait, par exemple, d'avoir propagé des fausses rumeurs ou des choses comme ça. On va pas dire qu'elle est kafir comme le sorcier, et on va pas dire non plus que c'est du shirk qu'est-ce qu'elle fait, sauf que c'est sur le plan de de l'effet des conséquences de an-namima, que ça ressemble à la sorcellerie, mais c'est pas nécessairement, c'est pas pour dire que la personne qui fait an-namima, il est comme un kafir ou comme un mushrik, ou bien que il est comme le sorcier, il a le même verdict, ou bien qu'il mérite d'être exécuté comme le sorcier. C'est pas la même chose. D'accord? Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Ensuite, le cheikh, il explique comme point numéro 2. ثانيا تحريم النميمة وأنها من الكبائر. Donc, comme deuxième point, l'interdiction des grands péchés et le fait de comprendre que c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés. Ça fait partie des kabair. النميمة, c'est interdit et ça fait partie des grands péchés. ثالثا التعليم على طريقة السؤال والجواب لأن ذلك أثبت في الذهن وأدعى للانتباه. Donc le cheikh, il explique que l'enseignement en utilisant la méthode de questions et réponses, c'est une bonne méthode à utiliser parce que c'est quelque chose qui fait que l'information va rester plus fermement inscrite dans l'esprit des gens et que ça prend l'attention, hein, ça prend notre attention. Donc c'est quelque chose de très, très bien, très positif. Donc ça c'est le hadith en question de Ibn Mas'ud. Ensuite le prochain hadith, walahuma an Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala inna min al-bayan la sihra inna min al-bayan la sihra akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Donc c'est un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a certaines formes d'expressions qui sont comme de la sorcellerie. Il y a certaines formes d'expressions qui sont comparables à la sorcellerie. Hein? Il y a des paroles comme ça qui sont envoûtantes tellement elles sont belles et il y a des personnes qui s'expriment bien à un point tel que ça devient comme de la sorcellerie. Et justement, il y a une personne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné le verdict au sujet de quelqu'un qui avait causé la mort d'un fœtus ou quelque chose comme ça, ou bien quelque chose qui avait rapport avec le fœtus, et puis quelqu'un avait répondu en disant comment quelqu'un qui n'a pas encore mangé ni bu ni rien fait, comment celle-là pourrait-elle recevoir le prix de sang, ou bien on pourrait punir quelqu'un pour quelqu'un qui n'a même pas encore vécu ou qui n'a même pas encore rien eu. Et la personne avait dit ça et avait comme s'était objecté au verdict du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant des vers de poésie, en disant, ou bien plutôt pas des vers de poésie, mais en disant ça avec une certaine, avec des rimes. C'est comme si la parole de la personne c'était rime, son objection. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette personne, hada min ikhwan al-kuhan, ou quelque chose dans ce sens-là, en voulant dire que cette personne c'est le frère des sorciers ou le frère des voyants ou des médiums ou des devins, des gens qui prétendent connaître l'avenir et des choses de ce genre. En voulant dire que cette personne, hein, elle est comparable à ceux qui ont, qui utilisent de la sorcellerie ou des charmes pour essayer de charmer ou de tromper les gens. Et c'est ça qui était mentionné. Ça ressemble un peu à ce hadith ici, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit qu'il y a certaines façons de s'exprimer qui sont comme de la magie, qui sont magiques, qui sont comme de la sorcellerie, qui sont enchanteurs et envoûtantes. Hein. Donc, ça me fait aussi penser à l'exemple de, justement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la personne qui avait dit des rimes pour s'objecter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était le frère des Kuhan, ça me fait aussi penser à l'exemple des gens qui font du rap, hein, des gens qui font du rap pour répandre toutes sortes de mensonges et de faussetés et qui utilisent cette méthode parfois même pour Allah Musta'an, essayer d'envoyer des messages ou des choses de ce genre. Puis souvent ce sont des ignorants et la majorité du temps c'est ça. Donc ils ne font qu'égarer les gens, ils ne font que d'égarer les gens comme les poètes. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran justement dans sourate Al-Shu'ara à la fin, والشعراء يتبعهم الغاوون, c'est-à-dire les poètes, c'est la plupart d'entre eux c'est des gens déviés, des gens égarés qui les suivent, et c'est la réalité hein, surtout à propos de qu'est-ce que ces gens-là écrivent ou qu'est-ce qu'ils disent dans leur musique ou dans leur rap ou des trucs de ce genre. Et yani, c'est juste un exemple en passant yani, à ce sujet-là. Ensuite, au sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayan ila sihra, il y a des formes d'expression qui sont tellement éloquentes, tellement belles, qu'elles sont, elles sont comme des paroles enchantées ou bien des paroles magiques, elles sont comme de la sorcellerie, hein, envoûtantes. Donc le cheikh il dit al-bayan, al-balagha, wal-fasaha. Donc, al-bayan, c'est le fait d'être éloquent et d'être clair et de s'exprimer clairement. Et la sihra est ya'malu 'amal as-sihr fa yaj'alu al-haqq fi qalib al-batil wal-batil fi qalib al-haqq fa yastamilu qulub al-juhhal. Donc, inna min al-bayan ila sihra. Donc, c'est pour dire que il y a certaines formes d'expression qui sont tellement belles, qui sont tellement claires, qui sont tellement éloquentes, qu'elles agissent de la même manière que la sorcellerie. Elles enchantent les gens. Et elles font paraître la vérité sous l'image de quelque chose de faux. Comme si ça fait paraître qu'est-ce qui est vrai, comme si c'était faux. Et ça fait paraître le faux comme si c'était vrai. Et ça, donc ça renverse les choses, hein, ça inverse les réalités. Et ça fait pencher le cœur des gens qui n'ont pas de science et qui sont ignorants vers qu'est-ce qu'ils disent. Et c'est ça ce que beaucoup de koufars utilisent, hein, surtout avec la philosophie et avec beaucoup de différentes formes d'expression qu'ils ont dans le but d'arriver à séduire les masses, séduire les foules, séduire les gens, leur faire croire en ce qu'ils disent, leur faire entendre les choses le contraire de ce qu'elles sont réellement, leur faire entendre la vérité comme si c'était le faux, puis leur faire entendre le faux comme si c'était la vérité. Et ça, les koufars, et en particulier les Français, sont spécialistes là-dedans parmi les koufars, puisqu'on connaît la langue française. La langue française, c'est une langue qui est très forte dans ce genre de choses, et surtout dans l'esprit hein, de la philosophie aussi de la langue française et tout ça, on le retrouve même dans la littérature puis dans l'histoire aussi. Allah al-musta'an. Donc c'est l'art de bien parler et de bien s'exprimer pour tromper les gens. Et Allah al-musta'an, des fois, surtout ici au Québec, on a des façons de s'exprimer. Parfois, et surtout quand on parle avec l'accent québécois, c'est pas vraiment beau. Après, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est pas vraiment beau à entendre parfois. Donc, on a l'impression quand on entend des gens qui viennent de la France parfois qu'ils parlent tellement bien, hein, avec leur façon de s'exprimer, c'est tellement un accent qui est beau que peu importe ce qu'ils disent, ça paraît bien. Il y en a même, on a l'impression qu'ils sont capables de nous vendre n'importe quoi, parce que même si c'est quelque chose qui est tellement pourri ou qui a aucune valeur, mais ils en parlent tellement, ils savent tellement comment mettre la chose en valeur puis comment en parler d'une manière qui est belle, que on va penser que c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur. Hein. C'est la façon dont on parle qui a cet effet-là parfois. Donc ça, c'est juste pour donner un exemple, parce que ici c'est comme ça, je veux dire, subhanallah, on a grandi, c'est le français ici c'est notre langue maternelle, sauf que c'est pas aussi fort que qu'est-ce qu'on entend par rapport à le français comment il est utilisé en France. Ça a cet effet là et quand c'est utilisé contre l'islam, hein, c'est très grave. Ça devient comme de la sorcellerie. Ça fait voir aux gens la vérité comme si c'était faux. Ils sont capables de faire paraître le hijab comme si c'était quelque chose de mauvais et de faire comprendre aux gens que c'est quelque chose de mal, alors que hein, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui protège l'honneur, qui protège la pudeur, qui protège la chasteté, qui élève les mœurs, hein, qui éloigne du mal, qui protège des désirs et des tentations, qui purifie. Donc tout ça c'est le hijab. Mais la façon comment eux ils en parlent, quand tu les entends parler de ces choses-là, Allahul Musta'an, c'est comme s'ils arrivent à renverser le cerveau des gens à l'envers, hein, juste en comment ils en parlent. Donc c'est l'art de déformer la réalité en utilisant des belles paroles, d'accord. Donc ça c'est un peu comme dans ce sens-là. Toutefois, si on utilise cette langue, hein, pour défendre l'islam et pour expliquer la vérité de l'islam et réfuter ces gens-là, donc alhamdoulillah, ça peut aussi être utilisé si on la maîtrise bien et être capable justement de leur remettre le faux qu'ils de réfuter le faux qu'ils propagent au sujet de l'islam. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des poètes qui se moquaient de l'islam, qui faisaient des satires, hein, contre l'islam, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui défendaient le shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des poètes, avait certains parmi les sahaba qui étaient forts aussi en poésie, et qui répondaient à ces mouchriquins, et qui faisaient des poèmes pour défendre le tawhid, et défendre l'islam, et défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Hassan ibn Thabit et d'autres. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à leur sujet, ce que tu dis, Hassan, ce que tu dis à propos de, ou contre les mouchriquins, c'est plus dur contre eux que les flèches. C'est plus dur contre eux que les flèches. Donc, les Arabes, ils aimaient l'éloquence, ils aimaient la belle expression aussi, la façon de s'exprimer. Et la langue arabe, hein, elle a une force et elle a une grande, un grand potentiel, une grande capacité justement de s'exprimer, de dire des choses qui seraient difficiles à dire dans d'autres langues. Hein. Il y a peu de langues sur cette terre qui sont capables d'exprimer ou de dire des choses de la manière dont on le dit en arabe. C'est une langue vraiment merveilleuse, l'arabe. Donc c'est pour cette raison-là que les Arabes justement maîtrisaient bien leur langue et puis ils l'utilisaient justement, et que le Coran est un grand miracle, et c'est le plus grand de tous les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle est inimitable, ainsi de suite. Donc les Arabes, ils étaient très influencés et affectés par la parole justement de cette façon-là, et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça dans ce hadith. Le cheikh, il explique le sens général du hadith. Il dit « Al-ma'na al-ijmali lil-hadith yubayyinu sallallahu alayhi wa sallam naw'an akhar min anwa' al-sihr wa huwa al-bayan al-mumtathil fi al-fasahati wal-balagha lima yahduthuhu hadha al-naw'u من أثر في القلوب والأسماع حتى ربما يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق كما يفعل السحر والمراد ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق أو يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع. Donc le sens général de ce hadith, c'est comme on a expliqué, hein? Ça explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous expliquer une autre sorte de sorcellerie parmi les différentes sortes, et c'est l'éloquence et la belle expression dans le but de faire paraître le vrai comme étant faux et le faux comme étant vrai, parce que c'est l'éloquence et la belle façon de s'exprimer, ça a un impact sur les cœurs et sur les oreilles des gens. Et ça inverse les réalités parfois, ça peut même inverser les choses, ça fait croire aux gens en des choses qui sont fausses, et ça les fait s'éloigner de qu'est-ce qui est vrai. Donc ça c'est un peu comme ce que fait la sorcellerie. Ça mélange et ça confond les réalités. Et donc le but de cette parole c'est de blâmer cette catégorie d'expression ou cette catégorie d'éloquence qui mélange les gens dans ce qu'ils connaissent de la vérité et du faux. Hein? Et il y a beaucoup de, même parmi les musulmans, Allah al-Musta'an, parfois, il y en a qui ont ce don de parler, et ce don de s'exprimer, et les gens de bid'a aussi, parmi eux, il y en a qui ont ce don-là, et qui l'utilisent pour mélanger les gens dans ce qu'ils connaissent de l'islam, et dans ce qu'ils savent de l'islam. Donc, par exemple, un des meilleurs dans ce domaine, c'est Tariq Ramadan. Hein, parce qu'il sait bien s'exprimer et il parle bien en français. Donc quand il parle, il a ce don-là. Et c'est pour cette raison-là que vous allez voir qu'il ne va jamais parler, ou presque jamais parler en arabe devant les gens. Hein, vous allez le voir par exemple parler en anglais, faire des conférences en anglais. Même quand il va dans les pays arabes, il fait des conférences en anglais, il fait des conférences en français, mais il va, et on le traduit simultanément en arabe. Il y a un traducteur qui traduit ses paroles simultanément en arabe, mais il va jamais faire une conférence directement en arabe, sauf si peut-être, Allahu A'lam, s'il va le faire avec son dialecte égyptien, mais sinon, l'arabe Fusha, il s'exprime pas aussi bien qu'en français, en arabe. Donc, quand il fait ses conférences, il fait attention, justement, d'utiliser les langues qu'il maîtrise le mieux pour être capable de mieux tromper les gens, puis de mélanger les gens dans ce qu'ils connaissent de l'islam. Donc, ça fait partie de cette catégorie-là. Hein. Et en arabe, c'est encore pire, il y en a des prêcheurs, il y en a des gens de bid'a qui sont connus, qui parlent tellement bien, quand les gens les écoutent, ils pensent que ce sont des gens qui ont beaucoup de connaissances et qui savent de quoi ils parlent, alors qu'en réalité, ce sont des ignorants et ce sont des égarés. Nasallallahu al-afiyah. Donc, le Cheikh dit, « Wa munasabatul hadith lil-bab. » Dans le sens que quelqu'un, parfois, peut être un grand savant de l'islam, quelqu'un qui est qui a une connaissance très grande de la religion, de la charia, du fiqh, du hadith, du tafsir, de la langue arabe, et ainsi de suite, et qui n'a pas une belle voix, ou qui ne s'exprime pas tellement avec éloquence. Toutefois, il a une science vraiment forte, vraiment grande, et à cause de sa façon de parler, il y a des gens qui voudront pas, ou qui vont pas être intéressés à l'écouter. Ils vont dire, ah, mais lui, j'aime pas sa façon, j'aime pas comment il parle. Et pourtant, c'est de lui qu'il faut apprendre, puisque c'est lui qui a le ilm. Hein? Et j'entendais souvent ça de la part de certains ici, des Hizbiyin, à l'époque, quand je leur disais d'écouter Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Ils me disaient, ah, mais lui, quand il parle, on comprend pas qu'est-ce qu'il dit. Hein? On comprend pas, c'est pas clair, ou des choses de ce genre. Alors que sa parole, elle est très claire. Hein, et qu'ils s'expriment clairement, mais parce qu'ils ne veulent pas entendre qu'est-ce qu'il dit, ils ne veulent pas l'écouter. Et donc ils utilisent ce genre de prétexte. Puis, c'est sûr qu'il y en a d'autres, comme tu vas entendre par exemple, d'autres individus qui n'ont pas d'ilm, qui sont des gens qui appellent au dalal et à l'égarement, puis ils parlent tellement bien, c'est tellement beau quand ils parlent, c'est comme du miel dans les oreilles. Eh bien, Allah Musta'an, c'est des gens qui appellent à l'égarement. Donc, il ne faut pas juste se baser sur la voix ou sur l'expression ou sur l'éloquence de la personne pour essayer de savoir si cette personne est bien ou non, ou si ça vaut la peine de l'écouter ou non. Il faut se baser sur la personne. Est-ce qu'elle est sur la sunna? Est-ce qu'elle est sur la salafia? Est-ce qu'elle est sur l'islam vrai? Est-ce qu'elle a une vraie connaissance, ou bien c'est juste que c'est une personne qui a une belle voix, une belle façon de parler, puis qui appelle à l'égarement, ou qui n'a pas de science et qui égare les gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il explique donc que Oui. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان نوع أن فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو بعض البيان. Donc c'est ça. Le Cheikh il explique que la raison pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que on explique dans ce hadith une des catégories de sorcellerie et que c'est la façon de s'exprimer parfois qui peut être magique. وما يستفاد من الحديث أولا بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس. Donc il y a comme premier point bénéfique dans ce hadith que il y a une différentes sortes de sorcellerie et parmi ces sortes-là il y a l'expression, la façon de bien s'exprimer qui est utilisée dans le but de déformer de mélanger la vérité et le faux et de faire croire aux gens des choses fausses. Le point numéro 2, ذم هذا النوع من البيان وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويضحضه فهو ممدوح. Donc le cheikh explique que il y a ici le blâme et la critique de cette catégorie de d'éloquence ou d'expression qui mélange la vérité et le faux et qui fait paraître le vrai comme étant faux et le faux comme étant vrai. Toutefois, quand on parle de l'expression qui est dans le but de clarifier la vérité ou de réfuter qu'est-ce qui est faux et de détruire ce qui est faux, alors ça dans ce cas-là c'est quelque chose qui est louable et quelque chose qui est bien. Donc ça c'est la fin de ce chapitre et on commence maintenant inshallah l'explication du chapitre suivant. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet des médiums, des voyants, des oracles, des gens qui prétendent connaître l'avenir en fait, de façon générale. On les appelle en arabe kuhan. Hein? Et on dit pour la, ça c'est le pluriel, kuhan c'est le pluriel. Le singulier c'est kahin. Hein? Donc kuhan, kahin. Kahin ça s'écrit kaf, alif, ha. Kahin, c'est ça. Kaf, alif, ha, nun. Kahin. Et kuhan, eh bien, c'est le pluriel. Kaf, ha, avec une shadda, alif, nun. Kuhan. Et, yani, dans certains pays, comme en Algérie, par exemple, il y a les Kabyles, souvent, vous allez les entendre, ils se réfèrent à une personne, une femme, qu'ils ont connue historiquement. Avant l'islam, qui était là-bas, supposément c'était une guerrière ou une sorcière. Ben, justement, on l'appelait Al-Kahina. Eh bien, Al-Kahina, hein, ça veut dire une sorcière, ça veut dire une voyante, soi-disant. Donc, Allah Musta'an, c'est bizarre que ces gens-là, ils prennent une fierté ou un symbole en cette femme qui était une sorcière. Allah Musta'an. Souvent, ceux qui se réfèrent à cette femme, c'est des gens qui appellent au racisme, au nationalisme, kabyle, et qui demandent par exemple de revenir à la laïcité ou à combattre l'islam, à prendre la démocratie comme référence, à se baser sur l'Occident, yani, et qui appellent à changer le... Yani, ils veulent, disons, faire comme qu'est-ce qu'on appelle en arabe « da'wa al-jahiliya ». Appeler aux valeurs et aux idées de la jahiliya, le tribalisme, le nationalisme, le fait de se réunir autour d'une langue et mettre l'islam de côté. Ou bien même parmi eux, certains d'entre eux, Al-Amstein, ils sont même allés jusqu'à renier l'islam. Donc ça c'est une catégorie d'entre les kabyles qui n'ont pas compris la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah al-Musta'an, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'entre eux qui font, maintenant certains d'entre eux qui font la da'wa au christianisme. Ils essaient de revenir yani, au shirk et à l'égarement des chrétiens. Donc j'en ai rencontré quelques-uns comme ça, qui essaient de me parler. Et puis, Yani, étant donné que j'étais chrétien auparavant, donc quand il me rencontre, yani, c'est comme s'il se frappe à un mur de béton, hein, parce que yani, il voit que je connais leur religion et je connais leurs idées, donc à chaque fois, yani, je leur clarifie les choses, puis bien entendu, Allah musta'an. Certains d'entre eux, ils refusent d'accepter, mais bon, quand même, certains, ils écoutent et ils réfléchissent par la suite. Parce qu'on leur a fait comprendre des choses fausses sur l'islam, on leur a montré une mauvaise image de l'islam. Beaucoup d'entre eux, ils ne réalisent même pas la réalité de ce que c'est l'islam. Hein? Donc, il y a un témoignage d'un frère, justement, qui était entré dans le christianisme, parmi ceux-là, puis qui a par la suite redécouvert l'islam dans la réalité de ce qu'est l'islam selon le Coran et la Sunna, et qu'il a quitté le christianisme, il est revenu à la religion de l'islam. Mais quand il a expliqué ça, il a dit, c'est comme si en réalité c'est maintenant que j'étais musulman pour la première fois, parce que auparavant je n'avais jamais vraiment connu la réalité de ce qu'était l'islam. Donc mashallah. Donc on va revenir au sujet là du cours. Le Cheikh dit ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Rawa Muslim fi sahihih an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man ata 'arrafan fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim et par l'imam Ahmed dans sa Musnad. Il dit, celui qui va voir, c'est rapporté de la part de certaines d'entre les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui va voir un voyant, ou un médium, ou un diseur de bonne aventure, yani, peu importe la personne qui prétend qu'elle peut connaître l'avenir, soit que ce soit les cartes, ou les feuilles de thé, ou bien le tarot, hein, ou bien l'astrologie, ou bien lire les lignes de la main, ou peu importe quelle méthode, tracer des lignes dans le sable, hein, toutes ces méthodes et ces techniques que les gens utilisent pour essayer de prédire l'avenir ou prétendre qu'ils savent l'avenir. Donc si quelqu'un va voir ces gens-là, hein, alors yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là que sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et ça, c'est seulement si elle va les voir. Ça, c'est seulement si elle va les voir. C'est-à-dire, ça, on ne parle pas de la personne qui croit en ce que la personne va dire. Ça, c'est seulement la personne qui va les voir. Donc, sa prière va pas être acceptée pendant 40 jours. Allahu musta'an. Et ça inclut également les horoscopes. Les horoscopes qui sont écrits dans les journaux et dans les magazines, et même on remarque même dans les horoscopes, dans les magazines soi-disant arabes parfois, et même dans les pays arabes, les magazines et les journaux même, Allah musta'an, qui sont diffusés dans les pays arabes, il y a toujours une section pour l'horoscope. Sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps aussi, il y a toujours une section des petites annonces où vous allez voir des soi-disant voyants ou des soi-disant médiums qui prétendent qu'ils peuvent te donner l'avenir, qu'ils peuvent te donner le bonheur, qu'ils peuvent te dire si tu vas réussir dans ta vie personnelle ou professionnelle. Allahu al-musta'an. Donc tout ça, c'est des choses graves, des choses de shirk, de kufr, yani, que ces gens-là propagent. Donc tout ça rentre là-dedans. Quelqu'un ne doit pas lire ça, quelqu'un ne doit pas lire les horoscopes, même par curiosité, hein. Donc, quelqu'un ne doit pas lire les horoscopes, ne doit pas lire les trucs qui prétendent connaître ou dire l'avenir. Le cheikh il explique ici, il dit « Al-Kuhan, jam'u kahin, wa huwa alladhi yukhbiru anil mughayyibat » في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالشياطين. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان الكهان ونحوهم لما كان الكهان ونحوهم يدعون علم الغيب الذي قد اختص الله او قد اختص به الله سبحانه وتعالى وذلك دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب أراد المصنف أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقهم وحق من صدقهم من الوعيد. Donc, le cheikh, il explique que le mot Kohen, c'est le pluriel de Kahin, comme on l'a dit, et c'est toute personne qui donne des informations au sujet des choses cachées ou au sujet des choses de l'avenir, en se basant sur le fait de chercher l'aide des djinns, hein, l'aide des shayatins parmi les djinns. Donc, ça c'est, qu'est-ce qu'on appelle Al-Kuhan, Al-Kahin, c'est ce qu'on appelle Al-Kuhan ou Al-Kahin, et yani, si tu veux dire le masdar, c'est Al-Kahana, ou bien le mot de qu'est-ce qu'ils font, de prédire l'avenir, c'est Al-Kahana, c'est-à-dire de prétendre pouvoir dévoiler des choses de l'avenir ou de l'invisible. Et juste un rappel hein, par rapport à qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Quand on avait fait le chapitre 6, hein, le chapitre 6 c'est Tafsir al-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire l'explication du Tawhid et du témoignage de la ilaha illallah. Donc on avait dit justement à la fin de ce chapitre, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans ce chapitre-là que tout ce qui va être mentionné par la suite, ça fait partie de l'explication du Tawhid et de la ilaha illallah. Parce qu'il dit justement, à la fin du chapitre, il dit « Wa sharhu hadhihi at-tarjama ma ba'daha min al-abwab » C'est-à-dire, l'explication de ce titre, c'est-à-dire la signification de la ilaha illallah, c'est tout ce qui vient après, tous les chapitres qui viennent après. Donc ça veut dire que après le chapitre 6, c'est-à-dire à partir du chapitre 7 jusqu'à la fin du livre, le chapitre 68 si je ne me trompe pas, c'est le dernier, eh bien tous ces différents chapitres-là sont des explications de la ilaha illallah et du tawhid, hein, ou de qu'est-ce qui oppose le tawhid et qu'est-ce qui détruit ou qui diminue le tawhid. Donc ça fait partie de ces points-là, et c'est ça que je voulais juste rappeler parce que c'est important de le mentionner pour faire comprendre le but de ces chapitres-là. Donc les 6 premiers chapitres, c'est l'introduction du tawhid, la définition, hein, et tout ce qui a rapport avec la compréhension de la signification du tawhid dans sa définition et dans ses principes de base. Puis le reste, c'est les détails et la clarification des différents points et des différentes questions qui sont reliées au tawhid. Donc ici, donc on a expliqué al-Quran c'est quoi. Ensuite le cheikh dit wa munasabatul bab li kitab at-tawhid lamma kan al-Quran wa nahwuhum yad'una 'ilm al-ghayb. Donc le cheikh il dit pourquoi on a placé ce chapitre dans kitab at-tawhid. Il dit parce que, étant donné que les gens qui prétendent connaître l'avenir, les diseurs de bonne aventure, les médiums, les voyants, les oracles ou les autres noms, je ne sais pas, il y en a plein qu'on peut utiliser, tous ces gens-là, les marabouts, hein, ou bien les soi-disant, parfois ils se prétendent même, ils s'appellent même chouyot ou des cheikhs, ou je ne sais pas quoi. Donc tous ces gens-là qui prétendent qu'ils peuvent dire l'avenir ou connaître l'avenir, hein, ils prétendent avoir la connaissance du ghaib, qui est une chose qui est particulière à Allah, une caractéristique spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en prétendant posséder cette caractéristique là c'est comme s'ils essaient de s'approprier d'une des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, une des attributs exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prétendant être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette capacité de connaître l'invisible. Donc l'auteur du livre, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a voulu dans ce chapitre clarifier qu'est-ce qu'on doit penser ou qu'est-ce qu'on doit dire au sujet de ces gens-là, et qu'est-ce qui a été dit à leur sujet, et que dire de la personne qui croit en ce que ces gens-là disent ou bien qui vont les consulter par curiosité ou des choses de ce genre. Donc ensuite le cheikh dit ma ja'a fil kuhan ay min at-taghlizi wal wa'id. Hein? Donc les gens qui disent aujourd'hui ah mais non, on connaît le tawhid, les gens ils ont appris le tawhid, ils n'ont pas besoin d'en parler. Et allez, comment ça se fait si on connaît le tawhid, ces choses-là sont propagées partout dans les pays musulmans et qu'on en retrouve parfois même partout qui ont des locaux, des bureaux, des commerces même, hein, Allah al-Musta'an. Et maintenant c'est rendu que ils offrent même leurs services par téléphone, hein. Ils appellent les gens par téléphone pour leur offrir leurs services. Et il y a même des sites internet, hein, et des choses comme ça. Et il y en a qui prétendent offrir des services de ruqya et des choses de ce genre, alors qu'en réalité ce ne sont pas de ruqya, ça n'a rien à voir avec la ruqya. Qu'est-ce qu'ils font, hein? C'est du sihr ou bien c'est des kahana ou des choses de ce genre, hein? C'est des sorciers souvent. Et ils se prétendent faire la ruqya. Ils utilisent, hein, ils utilisent toutes sortes de formes de sihr. Ils demandent l'aide des shayatin, hein, des choses de ce genre. Donc, le shaykh, il dit donc, ما جاء في الكهان من التغليظ والوعيد. Donc, qu'est-ce qui a été rapporté au sujet des voyants dans le Coran et dans la Sunna et dans les paroles des ulama comme menace et punition sévère. Le cheikh dit wa nahwihim kal arrafin wal munajjimin wal rammalin wa nahwihim, parce que dans le titre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit comme les voyants et ceux qui leur ressemblent, ceux qui sont comme eux, wa nahwihim, c'est-à-dire ceux qui sont pareils ou semblables, c'est-à-dire tous les autres qui font des choses semblables, qui prétendent connaître l'avenir, comme les gens qui donnent l'horoscope, les gens qui prétendent connaître l'avenir, les voyants, les oracles, et ainsi de suite, les gens qui lisent le thé, qui lisent les lignes de la main, comme on a donné l'exemple tout à l'heure. Les gens qui tracent des lignes dans le sable, et ainsi de suite. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة. Quand il dit que certaines des épouses du prophète صلى الله عليه وسلم, il s'agit ici de Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha, radiyallahu anhu wa radiyallahu anha, yani an Hafsa, et également c'est l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم. Et ici il dit ensuite لم تقبل له صلاة. Et la thawab lahu fiha, c'est-à-dire que la prière de la personne qui va consulter un voyant, elle ne sera pas acceptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'aura aucune récompense pour cette prière qu'il fait pendant 40 jours. Toutefois, il sera quand même obligé de la faire, hein. Parce que s'il ne la fait pas, ça c'est encore pire. Ensuite, le cheikh il explique, il dit Al-ma'n al-ijmali lil-hadith. Al-ma'n al-ijmali lil-hadith. Yubayyinu sallallahu alayhi wa sallam al-wa'id al-mutarattab ala al-zahab ila al-kuhan wa nahwihim lisu'alihim an al-mughayyabat allati la ya'lamuha illa Allah. Anna jaza'a man fa'ala dhalika hurmanuhu. من ثواب صلاته لمدة 40 يوما وتلبسه بالمعصية وفي هذا وعيد شديد ونهي أكيد عن هذا الفعل مما يدل على أنه من أعظم المحرمات وإذا كان هذا جزاء من أتى الكاهن فكيف بجزاء الكاهن نفسه نعوذ بالله من ذلك ونسأله العافية. Donc le cheikh explique que la signification générale du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne la menace qui est reliée au fait d'aller voir les sorciers, d'aller voir les gens qui prétendent connaître l'avenir, dans le but de leur poser des questions sur les choses cachées ou les choses invisibles que personne ne connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, cette chose-là, c'est répandu, hein, même dans les pays soi-disant civilisés et modernes, hein, qui sont remplis de différentes nouvelles technologies, où les gens pensent que tout le monde est basé sur la logique et la raison, et qu'est-ce qui est rationnel, eh bien vous voyez que Allahul Musta'an, ces gens-là, ils se basent sur ce genre de choses. Ils se basent sur ce genre de pratiques et d'idées, d'avoir recours à des sorciers, des voyants, des diseurs de bonne aventure, et même dans la famille, hein, du côté de... Il y en a des deux côtés, père et mère, il y avait beaucoup de gens qui avaient, justement, quand ils voulaient savoir des choses sur est-ce que je vais rencontrer une femme, elle demande, est-ce que je vais rencontrer un homme, quand il demande, par exemple, est-ce que je vais rencontrer un homme, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, elle va voir la liseuse de cartes, par exemple, je me rappelle certaines de mes tantes qui racontaient des histoires comme ça, qu'elle allait voir des liseuses de cartes, des gens qui vont lire les cartes pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais ci? Est-ce que je vais ça? Et puis là, elle parlait de ça, il y en a à la table, je me rappelle. C'était comme les histoires là pour me dire, ah, pour dire aux gens, ah, elle m'a dit ça, Allah Mustaan. Et bon, donc ça, c'est des choses répandues. Hein, au Québec, ici, il y en a plein, des choses comme ça. Et j'imagine qu'en Europe, il y en a plein. Même ici, à Montréal, il y a un de ces sorciers-là, un Mauritanien, qui fait ce genre de choses. Hein. C'est un Mauritanien, il est arrivé ici depuis quelques années, subhanallah. Et puis, supposément que c'est un gars qui prétend connaître l'avenir et qui prétend être un voyant. Il se donne l'image de quelqu'un qui est quelqu'un religieux, quelqu'un qui est pieux. Et puis, il fait ce genre de choses-là. Il y a toujours des gens qui vont chez lui, hein, comme ça. Et il paraît même que c'était lui le voyant ou le médium de l'ancien président de la France. Hein, et supposément, donc, c'est ça. Il prétendait. Ça, c'est ce qu'il prétend lui-même. Hein. Lorsque l'ancien président français était venu au Québec, justement, il avait pris quelques jours pour aller rencontrer son sorcier, là, son médium. Hein. Donc, même ces gens-là, ils ont recours à ce genre de personnage pour aller leur demander, est-ce que je vais gagner les élections? Est-ce que si je rentre dans les élections, est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais avoir ci? Est-ce que je vais avoir ça? Hein? Donc, c'est des gens, vous les voyez comme ça. Hein? Donc, tout ça, c'est interdit par l'islam. Et de voir des gens qui se prétendent musulmans et qui se disent même être religieux, pratiquants, hein? Et qui, par la suite, tu les vois, qui pratiquent ce genre de choses-là, qui dit aux gens qu'ils sont capables de voir l'avenir et des choses comme ça, qu'ils ont des dons. Hein, et ainsi de suite, ça c'est grave. Et c'est pour ça, tu vois, beaucoup dans les, comme je disais tout à l'heure à propos des magazines, eh bien, beaucoup de ces gens-là dans les magazines ou dans les journaux, même ici à Montréal, il y a dans les annonces, les petites annonces dans les journaux, il y a toujours ces annonces-là, des voyants-là. Et tu vois que c'est souvent des noms africains, musulmans. C'est des noms africains, musulmans. Abdoulaye, hein, des noms comme ça, Allah Musta'an. Tu dis, mais comment ça, Abdoulaye, hein, qui prétend qu'il connaît l'avenir, qui peut te dire ton avenir ou des choses comme ça, A'udhu Billah. Hein? Et donc, une fois, je me rappelle, quand j'étais tout nouveau dans l'islam, je venais de me convertir, ça faisait pas trop longtemps, et j'avais appris que c'était pas permis, que c'était kufr, yani, de faire ça. Yani, j'avais pris le téléphone, puis... J'avais appelé un de ces voyants-là pour lui dire qu'est-ce qu'il fait si c'est kufr. Hein? Donc je l'appelle et je lui dis, écoute, je me dis, hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est pas permis en islam. Comment tu fais ça? Ça, c'est pas permis, c'est kufr. Là, il m'a dit, c'est toi qui es kafir. Il a raccroché. Allah musta'an. Après, j'ai essayé de rappeler, ça répondait plus. Donc, je suis parti dans la boîte téléphonique. Et puis, je l'ai rappelé. Il a répondu encore. J'ai dit, crée Allah, hein, c'est grave ce que tu fais. Il m'a raccroché encore une fois. Mais bon, ça c'était quand j'étais plein de zèle, hein, au début de ma conversion, comme on dit. Mais aujourd'hui, j'aurais pas de temps à perdre, puisqu'il y en a tellement maintenant dans le journal, que si je commençais à faire ça, j'aurais jamais fini. Donc, Allah al-Musta'an, c'est pour dire que il faut que la connaissance de ces choses-là soit propagée parmi les musulmans. Il faut enseigner aux musulmans ces choses-là pour qu'ils s'écartent de ces choses-là et pour que ces choses-là cessent. Et il faut également que les responsables dans les pays musulmans, les chefs d'État et les dirigeants, prennent leur responsabilité de justement faire interdire ces choses-là et d'établir les peines islamiques sur les individus qui pratiquent ce genre de choses-là et qui mangent l'argent des gens illicitement, qui volent les gens. Hein? Ça c'est leur responsabilité. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite cette chose à nos dirigeants pour que, justement, les musulmans puissent être protégés dans leur foi et dans leur aqidah et dans leur manhaj. Ça c'est très important. Et Allah musta'an, même l'autre jour dans le métro, je me rappelle, le journal, une page entière du journal pour offrir à quelqu'un, aux gens, un talisman. Donc la personne, il y a sa photo, puis un gros texte, une page entière, commandez votre talisman. Allah musta'an. Et puis tu vois que c'est écrit, ça coûte rien. Vous appelez, vous commandez, on vous envoie votre talisman, et puis vous allez pas donner aucun argent, seulement si vous avez un résultat, soi-disant. Si vous avez un résultat là, vous donnez. Après, mais avant, vous donnez pas. Allah musta'an. Imaginez. Hein? Donc la personne, elle a ton adresse, elle a ton nom, elle t'envoie le talisman. Imaginez. Après, qu'est-ce qui arrive? Tout ça, c'est des arnaques en plus. C'est des voleurs, ces gens-là. Hein? Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Donc, ensuite, le cheikh, il dit donc que la personne donc, qui va voir ce genre de sorcier ou de voyant, la rétribution, la punition qu'elle aura, c'est que pendant 40 jours, elle n'aura aucune récompense pour sa prière, pour ses prières qu'elle fait 5 fois par jour. Hein? Parce qu'elle a désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est une menace très très sévère et une interdiction confirmée et certaine de cet acte-là. Et ça nous fait comprendre également et ça montre la grandeur de ce péché en même temps. Et si ça c'est la punition de ce voyant, hein, qu'il est puni si ça c'est la punition de cette personne pour aller voir un voyant, alors que dire de la punition du voyant lui-même? Ça doit être encore plus grand. Hein, si ça c'est la punition de celui qui va voir le voyant, donc imaginez comment doit être grave le péché de celui qui prétend être ce voyant-là et qui prétend connaître l'avenir. Na'udhu billahi min dhalik. Wa nas'aluhu al-afiya. Ensuite, le Cheikh dit: Wa munasabatu al-hadith lil-bab anna fihi an-nahy an ityan al-kuhan wa nahwihim wa an tasdiqihim limunafatihi lit-tawhid. Le Cheikh dit qu'il y a dans ce hadith, et c'est pour cette raison-là qu'on a placé ce hadith dans ce chapitre, c'est qu'il y a l'interdiction d'aller voir les voyants, et ainsi de suite, et également l'interdiction de croire en ce qu'ils disent, parce que c'est quelque chose qui est en opposition et qui nie le tawhid. Ensuite, ma yustafadu min al-hadith al-man'u min al-dhahab ila al-kuhan wa su'alihim 'an al-mughayyabat wa tasdiqihim fi dhalika wa annahu kufr. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit, comme bienfait de ce hadith? C'est premièrement on est interdit d'aller chez les voyants et de leur poser des questions sur l'avenir ou de croire en ce qu'ils nous disent comme information et que c'est une forme de kufr. Donc quand on dit d'aller voir les voyants, c'est pas seulement d'aller les voir s'ils ont un bureau ou s'ils ont un endroit où ils sont, Mais comme on a expliqué, maintenant avec tous les nouveaux moyens qu'ils ont, maintenant ils font de la voyance par téléphone, ils font de la voyance par internet, ils font de la voyance par même par télévision. Ils ont des chaînes satellites spéciales, des chaînes spéciales pour la voyance. Ils font la voyance par plein d'autres moyens également. Donc, peu importe le moyen par lequel tu rentres en contact avec ces gens-là pour leur poser des questions sur l'avenir, ça comprend ces choses-là. Hein? Et même les petits biscuits là, ces biscuits chinois là, qu'ils donnent dans certains restaurants là. Allah al-Musta'an, maintenant je sais que il y a des frères maintenant, ils ont des restaurants chinois, soit des restaurants thaïs ou chinois ou japonais ou ainsi de suite, et qui donnent des petits biscuits là. Il faut pas donner les petits biscuits là de fortune cookies comme ils les appellent en anglais, les biscuits avec un petit papier à l'intérieur qui te dit qu'est-ce qui va t'arriver dans l'avenir. Ça aussi, ça rentre là-dedans. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Et pour les frères qui ont des restaurants chinois ou des choses comme ça, parce que maintenant, ils commencent à ouvrir des chinois halal, donc ça, c'est bien. Mais il ne faut pas prendre les biscuits avec les petits mots à la fin là, qui disent qu'est-ce qui va t'arriver ou des choses comme ça. Allah al-Musta'an. Donc, ensuite, le deuxième point, c'est que تحريم الكهانة وأنه من أكبر الكبائر. L'interdiction de la voyance et que ça fait partie des plus grands d'entre les grands péchés. Et le cheikh il met un point à la fin, il dit فائدة من ذهب إلى الكهان ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء في ذلك الحديث. كما جاء في ذلك الحديث الآخر وأما من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Donc c'est ça le point, c'est de faire la distinction entre celui qui va les voir sans croire en ce qu'ils disent, juste par curiosité, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Toutefois, celui qui croit en ce qu'ils disent, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours, comme c'est expliqué dans le hadith suivant qu'on va lire tout de suite. Le cheikh il dit وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il mentionne ici? C'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Et c'est Abu Daoud qui l'a rapporté. C'est Abu Daoud, l'imam Abu Daoud al-Sijistani qui l'a rapporté. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui va voir un voyant et qui croit en ce qu'il dit, alors il a mécru en ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Daoud. Et donc j'ai dit que c'est rapporté par Abu Daoud. Mais c'est pas seulement Abu Daoud qui l'a rapporté. Il y a beaucoup d'autres rapporteurs aussi. Comme par exemple l'imam al-Tirmidhi, et Ibn Majah, et al-Nasa'i, et Ahmad, et al-Bukhari dans Tariq al-Kabir, et beaucoup d'autres. Et le hadith, il est Hassan. Le hadith, il est Hassan. D'accord? Donc, ça c'est par rapport à ce hadith. Celui qui va voir un voyant et qui croit en ce qu'il dit, il a mécru en ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Kashf al-Anwar, Cheikh al-Albani rapporte justement justement une autre narration de ce hadith avec une chaîne qui est Hassan. Et Cheikh Al-Albani, il le déclare sahih. Et également, dans, vous pouvez voir dans Rayatul Maram, le hadith 285. D'accord. Et il y a une autre version aussi qui est mentionnée. Il dit « Walil arba'a wal hakim qal sahihun ala shartihima wa an abi hurayra man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. » Donc ça aussi c'est une autre version de ce hadith qui est Hassan. Donc il est rapporté par Abu Daoud et les quatre également ont rapporté ce qu'on a mentionné tout à l'heure, hein? Ibn Majah, Nasa'i, At-Tirmidhi et d'autres également. Et Al-Hakim, il a dit qu'il est sahih selon les conditions de Al-Bukhari Muslim. Ça, c'est les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui rapporte ça. Après, il dit wa an Abi Hurayra. Donc, ça, c'est l'autre version. Abi Hurayra, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va voir un voyant et qui croit, un voyant ou un diseur de bonne aventure, ben les deux c'est, on sait que c'est la même chose, kahinan ou arrafan, et qui croit en ce qu'il dit, alors il a rejeté, il a mécru en ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là aussi, comme on a dit, c'est un hadith qui est hassan. Et ensuite, ولي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. Donc, c'est-à-dire que la même parole a été rapportée également, mais selon Ibn Mas'ud. C'est-à-dire, ça a été rapporté comme étant également une parole de Abdullah ibn Mas'ud, que Abdullah ibn Mas'ud a dit ça. Et dans ce cas-là aussi, ça c'est sahih aussi. De Abdullah ibn Mas'ud, c'est sahih aussi. Et na'am. Donc on va lire la suite, l'explication. بما أنزل على محمد فقد كفر بما أنزل على محمد أي الكتاب والسنة. Donc quand on dit qu'il a mécru en ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire il a mécru en le Coran et en la Sunna. المعنى الإجمالي للحديث بروايتيه الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك لأن علم الغيب قد اختص الله به ومن أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Donc la signification générale dans ces deux narrations qu'on vient de lire, c'est qu'il y a une menace sévère sur le fait d'aller visiter les voyants et les diseurs de bonne aventure et ainsi de suite, et les médiums, pour leur demander au sujet des choses de l'invisible et pour leur demander au sujet de l'avenir et des choses de ce genre, et de croire en ce qu'ils disent dans ces choses-là, puisque la science de l'invisible, c'est quelque chose qui est particulier, exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui va voir un voyant et qui croit en ce qu'ils disent, alors il a rejeté la foi en la révélation qui est révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh dit « Munasabatu al-hadithi lil-bab, anna fihi al-nahya an ityan al-kuhan wal-arrafin wa bayan al-wa'id fi dhalik. » Dans ce hadith, il y a l'interdiction d'aller voir les voyants et les diseurs de bonne aventure, ou ainsi de suite, et de croire en ce qu'ils disent. Hein, il y a une menace sévère à ce sujet-là. D'aller les voir, c'est interdit, et de croire en ce qu'ils disent, c'est encore plus grave. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait de ce hadith? Premièrement, تَحْرِيمُ الذَّهَابِ إِلَى الْكُهَانِ وَالْعَرَّافِينَ وَسُؤَالِهِمْ وَوُجُوبَ الْإِبْتِعَادِ عَنْهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ إذا صدقهم ومحرم إذا لم يصدقهم إذا لم يصدقهم. Donc premièrement, parmi les points qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que il est interdit d'aller voir les sorciers, les diseurs de bonne aventure et les gens qui prétendent connaître l'avenir parmi les voyants, et il est interdit de leur demander des questions au sujet de ces choses-là. Et il est obligatoire de s'écarter d'eux. Et que celui qui croit en ce qu'ils disent, alors il a commis un acte de kufr. Et celui qui ne croit pas en ce qu'ils disent, mais qui vont les consulter quand même, alors ils ont fait quelque chose qui est haram. Hein? Ils ont fait quelque chose qui est haram. Deuxièmement, wujub takdhib al-kuhan, dans le sens qu'ils ont fait quelque chose de haram, qui n'est pas nécessairement kufr, parce qu'ils n'ont pas cru, mais c'est quand même quelque chose qui est haram et qui est grave. Deuxièmement, wujub takdhib al-kuhan wal-munajjimin. Deuxièmement, on a l'obligation de ne pas croire en les voyants et en les astrologues, ou bien plutôt les gens qui lisent l'horoscope ou des trucs comme ça. On n'a pas le droit de croire en ce qu'ils disent. Et ça, c'est obligatoire de nier ce qu'ils disent. Troisièmement, man atahum wa saddaqahum faqad kafara bil wahyi al munazzal ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui va voir les voyants et qui croit en ce qu'ils disent, il a rejeté la révélation qui a été révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et rabi'an, anna al-kahana shirkun, li'annaha tatadammanu da'wa musharakatillahi ta'ala fi ilm al-ghayb. Quatrièmement, que al-kahana, c'est quelque chose qui est shirk, puisque c'est quelque chose qui implique de prétendre être partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la connaissance, ou d'être associé ou partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la connaissance de l'invisible. Et donc donc ça c'est le point, que c'est al-kahana, c'est shirk. Et on a expliqué déjà que les kohan, les voyants, les médiums, les voyants, et ainsi de suite, ils ont recours aux djinns pour obtenir des informations. Et parfois, il y en a qui vont, parmi eux, prétendre pouvoir rentrer en contact avec des êtres qui sont décédés. Hein, ils vont prétendre pouvoir rentrer en contact avec des êtres décédés, qui sont morts, et puis leur parler et donner des informations sur eux. Il y en a d'autres aussi, qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est comme les planches Ouija, comme ça s'appelle, hein, les planches Ouija avec les verres, et puis il y a après ça les lettres avec une planche, et là, ils vont mettre de l'eau dans le verre, et puis ils vont mettre leur doigt dessus, soi-disant, le verre, il bouge tout seul, puis ça indique des lettres, puis ça, c'est comme s'ils pensent qu'ils entrent en contact avec des esprits, ou des morts, ou des choses comme ça, alors que c'est les djinns qui jouent avec eux comme ça. Donc, ça, c'est aussi, ça rentre dans ce genre de choses. Ça, c'est shirk aussi. Hein, et c'est très dangereux, hein. Donc, tout ça, c'est des choses haram, des choses graves. Il faut s'en écarter. Donc c'est ça. Toute personne qui prétend connaître l'avenir, il est mushrik, il est kafir dans ce sens-là. Hein? Peu importe s'il se dit religieux, musulman ou kafir, peu importe. Même les chouyours soufiyins, les soufis, ils pensent que les awliya, ils connaissent le raid. Ils ont la connaissance absolue du raid. Hein? Ou qu'ils ont la connaissance de qu'est-ce qui est dans l'awh al-mahfouz. Donc ils pensent que quelqu'un ne peut pas être un wali, un vrai saint ou un vrai rapproché d'Allah, s'ils n'ont pas cette connaissance du raid. Donc tout ça, ça fait partie des croyances des charlatans et des menteurs et des shayatin al-ins, des diables humains. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera ce cours la semaine prochaine, dimanche prochain, bi'ithnillah. Avec la suite des paroles qui ont été mentionnées dans ce chapitre au sujet de Al-Kuhan. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et ceux qui ont des questions sur les cours ou des choses comme ça, ils envoient les questions par email parce que je réponds pas aux questions sur Paltalk. Et des fois, qu'est-ce que je pourrais faire peut-être si je reçois des questions par email que j'ai la que j'ai des questions dont j'ai les réponses, je pourrais peut-être même parfois à la fin du cours lire certaines de ces questions-là puis donner les réponses comme ça à la fin de chaque cours si c'est correct, si c'est possible. Et si j'ai pas la réponse, si je vous réponds pas quand vous m'envoyez des questions, ça veut dire que je connais pas la réponse. Donc si vous voyez que je vous ai pas répondu, ça veut dire que j'ai pas la réponse, d'accord. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.